Bonjour à tous. Merci Mathilde et Emilien pour votre invitation et pour l'organisation de ce séminaire. Je suis ravie de ce format qui permet effectivement de faire dialoguer recherche et action publique en train de se faire, ce qui n'est pas toujours évident, et aussi qu'une session soit dédiée aux enjeux environnementaux, ô combien importants. Et donc je vais effectivement vous parler de ma thèse. Le CSO, que je mène au CSO depuis 2 ans maintenant. Le CSO, c'est donc un laboratoire qui travaille sur les organisations et historiquement sur l'action publique et les administrations. Et moi, j'étudie plus particulièrement comment les administrations prennent en charge un enjeu environnemental qui est la préservation des sols. Alors, vous avez très certainement entendu parler de la loi sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui a été introduit en 2021 avec la loi climat et résilience, et qui vise à limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et cette loi, elle montre que l'enjeu de préservation des sols, il est aujourd'hui devenu un problème public, il est mis à l'agenda de l'action publique. Autre preuve en est, le mois dernier, en marge des manifestations des agriculteurs, Emmanuel Macron appelait à, je le cite, « on doit travailler tous ensemble à la préservation de nos sols ». Alors je m'intéresse à comment ce problème émerge dans l'action publique, comment il est progressivement apparu dans les administrations au cours des dernières décennies. Donc il y a une dimension historique, mais je ne suis pas historienne de ce sujet. Et ce n'est pas l'ensemble de la thèse qui porte sur l'histoire de la préservation des sols. Mais donc comment est-ce qu'il a émergé? Comment est-ce qu'il est défini? Est-ce qu'il est cadré dans les administrations et mis en œuvre au jour le jour dans les politiques publiques? Et donc cette enquête, elle m'amène à m'intéresser notamment aux agents publics et à leur rôle dans ce processus. Alors mon enquête n'est pas spécifiquement sur l'engagement des fonctionnaires et la carrière des fonctionnaires, mais elle m'a permis de récolter des témoignages sur les formes d'engagement, les parcours, les métiers, les compétences qui pouvaient être mobilisées par différentes catégories de fonctionnaires pour porter cet enjeu de préserver les sols. Et donc, pour cette intervention, je vous propose de revenir sur cette question. Quel rôle pour les agents publics dans la prise en charge de ce problème de préservation des sols? Et je réfléchissais à comment aborder le sujet aussi sans trop m'apesantir sur la récolte de données, sur la littérature en sociologie, parce que c'est beaucoup ce qu'on fait en deuxième année. Mais c'est vrai que ça, c'est plus facile pour faire dialoguer avec l'action publique en train de se faire. Donc, je vous propose de revenir sur 4 étonnements que je retire de mon enquête et des résultats que je suis en train d'analyser pour ouvrir le débat. Et avant de commencer sur mes étonnements, pour contextualiser les matériaux sur lesquels j'appuie aussi mon propos et mon analyse, j'ai enquêté pour ma thèse auprès de l'administration centrale, d'une métropole et de services déconcentrés en région et en département. Donc concrètement, en administration centrale, j'ai mené des entretiens au ministère de la Transition écologique, à la DHP, donc Direction de l'Habitat, l'Urbanisme et des Paysages. Quelques entretiens au ministère de l'Agriculture, à la Direction générale pour la performance des entreprises et la Direction générale de l'alimentation. Des entretiens aussi auprès d'opérateurs qui sont mobilisés sur ces sujets du sol, que sont l'INRAE, l'ADEME, le CEREMA notamment. Et dans les services déconcentrés, l'objectif, c'était aussi de voir comment est-ce que ça se déclinait à l'échelle locale, en DREAL, en DRAF, en DDT. Je vais vite sur les acronymes, mais si besoin de revenir dessus, n'hésitez pas. Et donc, j'ai pu rencontrer principalement des cadres intermédiaires de la fonction publique, à des postes de directeur, de chef de service, de chef de pôle, les noms variant selon l'administration dont il s'agit. Et donc les cadres intermédiaires, c'est une catégorie qu'on retrouve beaucoup dans l'action publique, une catégorie indigène, mais qui a été aussi conceptualisée en sociologie pour désigner ces acteurs qui supervisent et ou organisent le travail d'autres agents, qui occupent des positions hiérarchiques entre les exécutants et les dirigeants, et donc qui se situent à l'interface entre plusieurs niveaux hiérarchiques et qui sont amenés à convertir des objectifs abstraits de l'action publique, des objectifs stratégiques, en prescriptions, en instruments, en procédures pratiques. Voilà pour vous décrire les acteurs auxquels je me suis intéressée, et pour bien situer mon propos. Donc, pour commencer avec mon premier étonnement, je me suis posé la question de quels agents publics, en fait, travaillent à porter un objectif environnemental, et à cet objectif, en particulier la préservation des sols. C'est une question qui peut paraître simple, a priori, Mais en réalité, ça ne l'était pas, puisque lors de mon enquête, j'ai pu observer qu'il y avait une très grande diversité de profils de cadres intermédiaires qui contribuaient à cet enjeu, dispersés dans les organisations, dans les politiques publiques et aux compétences très variées. Alors, dispersés dans les organisations, tout d'abord, j'ai fait l'exercice de tracer ces agents, d'essayer de les repérer. Au début, simplement aussi en tâtonnant par mots-clés, en utilisant les notions de sol, de terre, de foncier, de sous-sol, en cherchant dans les organigrammes, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, le champ lexical du sol en administration est vraiment très large. Il s'appuie déjà sur un découpage entre la notion de sol et de foncier, et derrière ces deux mots, les acteurs mettent des réalités très différentes, prendre en charge une surface à aménager ou prendre en charge un milieu avec des propriétés chimiques, physiques, biologiques. Outre ces deux notions, il y a un découpage en termes de type de sol, les sols agricoles, naturels, forestiers, les sols pollués, les sous-sols. Et outre ces notions-là, j'ai aussi trouvé des agents qui me disaient contribuer à la préservation des sols, qui parlaient plutôt de préserver des espaces naturels, des zones humides, des aires de captage d'eau potable, pour en citer quelques-uns. Et donc, en me rattachant à cette acceptation assez large de ce que pouvaient désigner les sols en administration, j'ai pu tracer les acteurs qui estimaient contribuer à leur protection. Et donc, de manière assez intuitive, il y a ces acteurs qui mettent en place le dispositif ZAN, et qui sont très dispersés aussi bien en administration centrale que dans les services déconcentrés. On en retrouve par exemple des agents de la DHUP en charge de décliner les objectifs du ZAN et de décrypter la loi, des agents du CEREMA qui coordonnent la mise en œuvre du ZAN et le déploiement d'outils cartographiques, les agents Andréal en DDT qui sont aussi chargés de suivre la planification et l'application du droit des sols. Voilà, pour en citer quelques exemples. Et parallèlement à ça, j'ai aussi trouvé pléthore d'agents qui travaillaient sur d'autres politiques publiques que le ZAN et qui contribuaient à cet enjeu. OSGAR, une chargée de mission aménagement, qui explique qu'en coordonnant les COP régionales, on cherche à inclure aussi des mesures opérationnelles sur la préservation des sols. Ou des agents en DDT qui expliquent mettre en place de nouveaux outils pour aller sensibiliser les élus locaux ou leurs collègues à ce que sont les espaces naturels, agricoles et forestiers et comment les préserver. Donc ce sont quelques exemples pour vous montrer à quel point cet objectif environnemental peut mobiliser à différents échelons de l'administration et des profils très différents. Et par ailleurs, j'ai pu voir que quand on se pose la question de qui travaille sur les sols et leur préservation, il n'y a pas uniquement les politiques d'aménagement et d'urbanisme qui sont concernées. Alors, ça reste la clé d'entrée, effectivement, notamment à travers l'objectif de lutte contre l'artificialisation. On peut penser, du coup, aux agents qui coordonnent les documents de planification, l'instruction des PLU, qui interviennent aussi sur les marchés fonciers pour préempter les terres à préserver. Mais j'ai aussi pu observer que des agents qui travaillent sur des politiques de gestion de l'eau, des espaces verts, des politiques agricoles et aussi des politiques de logement, de développement économique portaient cet enjeu. Et c'était vraiment flagrant à l'échelle d'une métropole où, par exemple, une directrice de l'eau expliquait prendre en compte cet enjeu dans le développement de sa stratégie ville perméable pour sanctuariser des espaces et des zones d'infiltration de l'eau, pour maîtriser la valorisation des déchets de stations d'épuration ou maîtriser les risques de pollution liés au risque d'inondation sur un sol qui n'était pas préservé. Autre exemple, un directeur de la transition économique qui expliquait aussi porter cet objectif de... Alors lui, il le formulait en termes de sobriété foncière, qui est un mot qui revient beaucoup aussi pour décliner cet objectif de préservation des sols. Et pour lui, c'était chercher à valoriser dans ses stratégies de développement économique les espaces en friche. Dernier exemple, une responsable de service agriculture qui expliquait travailler à cet objectif l'accompagnement de projets en agriculture de conservation des sols sur le territoire, via la mobilisation des PNAP, des périmètres de protection des espaces agricoles. Voilà, pour vous citer quelques instruments qui sont mobilisés et qui montrent que illustrer quels agents travaillent sur un objectif environnemental est en fait une question bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et étant donné cette diversité de politiques publiques qui sont concernées, j'ai aussi pu constater qu'en fait, les agents qui travaillent à cet objectif mobilisent des compétences très différentes. Parmi les agents rencontrés, j'ai pu échanger avec des urbanistes, des profils ingénieurs, donc ingénieurs agronomes, ingénieurs des mines, ingénieurs des eaux et forêts, ingénieurs des travaux publics, mais aussi des agents issus d'autres disciplines scientifiques, des hydrogéologues, des biologistes par exemple, et des agents qui n'avaient pas du tout de cursus scientifique, qui étaient plutôt spécialistes du droit des sols, de l'action foncière, enfin des marchés fonciers. Et donc, cela illustre bien que, en fait, il y a un patchwork de savoirs techniques qui sont mobilisés pour contribuer à la préservation des sols. Donc, des savoirs en urbanisme, en hydrologie, en agronomie, je les ai cités. Et évidemment, des savoirs juridiques. Et un étonnement assez fort, ça a été de voir la place des savoirs cartographiques et du recours au savoir SIG pour soutenir cet objectif de préservation des sols. C'est probablement vrai pour d'autres politiques publiques, mais les spécialistes de la donnée, aussi bien en administration centrale que territoriale, ont des compétences. Donc ces agents spécialistes sont clés dans la prise en charge de la préservation des sols, à la fois parce qu'ils coordonnent la mise en œuvre du ZAN qui repose sur des instruments cartographiques, mais aussi parce que, en fait, c'est des acteurs qui intègrent, qui sont vraiment pivots et qui intègrent de nombreux objectifs de politique publique à travers le recours aux cartes. Que ce soit au service observation du foncier à la DDT, au service connaissance d'une DREAL, au service géomatique d'une métropole, il y a des spécialistes qui superposent des cartes, des couches de données sur la couverture des sols, les corridors de biodiversité, les espaces agricoles, les secteurs ICPE, pour ne citer que quelques exemples. Et c'est bien ces cartes qui servent de base pour piloter l'objectif de préservation des sols et les arbitrages qui sont conduits par les agents et par l'exécutif en dernier recours. Ce qui m'amène à mon deuxième étonnement qui porte sur la montée en compétence des agents qui travaillent sur ce sujet. Comment est-ce que les agents s'approprient un enjeu d'action publique qui peut être relativement nouveau pour eux ? La préservation des sols est en effet un sujet qui a émergé assez récemment, si on regarde l'histoire des politiques publiques. C'est surtout depuis le plan biodiversité, donc, qui a été adopté en 2018, que le sujet s'est vraiment imposé comme une priorité, notamment au prisme de la lutte contre l'artificialisation, même si avant cela, on parlait bien sûr de lutte contre l'étalement urbain, de lutte contre certaines pollutions industrielles qui amenaient à s'occuper de la pollution des sols ou de la gestion des déchets agricoles. Mais vraiment, cette perspective du sol comme écosystème ayant des propriétés, un potentiel hydrique, une capacité de stockage de carbone, par exemple, cela reste très récent. Et c'est aussi un sujet qui est peu définie en fait par la loi, la préservation des sols, puisque la notion d'artificialisation a une définition juridique depuis 2021, inscrite dans la loi Climat et Résilience, mais les notions de santé des sols, de sols vivants et de préservation des sols restent encore floues juridiquement. Alors comment est-ce que des agents publics en poste s'approprient cet enjeu ? J'avais comme hypothèse, avant d'arriver sur le terrain, que avec l'adoption de la loi sur le ZAN, les agents seraient en fait presque systématiquement formés à ce sujet, que les agents de la métropole pourraient se former au CNFPT, qu'en administration centrale, il y aurait des formations systématiques. Bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et que, alors bien sûr, il y a des décryptages juridiques qui circulent, qui sont faits par l'administration centrale, qui retombent dans les services déconcentrés. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres stratégies qui sont mises en place par ces agents pour monter en connaissance et en compétences. Il y a notamment une stratégie de formation entre pairs que j'ai pu observer, grâce aux ressources humaines qui sont déjà là. Par exemple, un chef de service planification à la métropole explique faire intervenir des collègues pour sensibiliser ses équipes à ces nouveaux enjeux, donc des collègues de la direction de l'eau, des collègues agronomes en interne quand il y en a, faute de budget aussi parfois pour envoyer ses équipes en formation. Ça peut aussi passer par le recrutement en interne de spécialistes qui vont derrière essaimer auprès de leurs collègues. Toujours dans cette métropole, un responsable en charge des espaces verts et de la nature en ville, lui-même donc formé à une connaissance agronomique des sols, explique qu'il a forcé, c'est vraiment son terme, ses équipes à faire une formation sur le sol qui derrière aussi était utile pour la politique publique qui portait de planter des arbres. Une autre stratégie de montée en compétences, c'est aussi de s'appuyer sur les ressources externes à l'administration. Et là, donc, c'est encore des stratégies assez différentes que j'ai pu observer. Par exemple, une directrice de l'eau qui explique que... alors là, du coup, c'était avec un peu plus de recul historique que dans les années 80, un groupement de recherche avait été mis en place par la métropole avec des universités, des bureaux d'études qui travaillaient donc sur l'eau, mais qu'en travaillant sur ces enjeux de pollution de l'eau, en fait, ils avaient été amenés à travailler de pollution des sols, et que c'est de cette manière-là qu'elle s'était vraiment renseignée sur le sujet et qu'aujourd'hui, c'était un objectif aussi qu'elle cherchait à porter. Les marchés de prestations aussi sont un gros levier de montée en compétences en interne pour aller chercher l'expertise et s'approprier l'expertise produite. Là, par exemple, c'était à l'occasion de la révision d'un SCOT. Des agents ont voulu recruter, avaient vraiment cette vision, cette intuition. Ils ont voulu recruter un bureau d'études spécialisé sur les sols et l'histoire des sols du territoire. Et ils expliquent, la directrice du SCOT explique avoir vraiment tiré profit de cette étude pour monter en compétence sur le sujet. Et dernier levier qui paraît aussi assez évident, c'est de participer à des formations privées. Un chef de service explique avoir donc participé à un cycle de formation spécifique sur la question du ressort du sol ressource stratégique. Et que c'est ça qui a permis aussi de porter cet enjeu auprès de ses équipes. Donc ces exemples, pour vous illustrer que en fait, les cadres intermédiaires, aussi bien à la métropole que dans des services déconcentrés que j'ai pu observer, ont une certaine agentivité, donc une certaine autonomie aussi dans leur capacité à monter en compétences pour se former sur un nouvel enjeu d'action publique qu'ils veulent porter. Ce qui m'amène à mon troisième étonnement concernant la notion d'expertise. Puisque si les agents publics portent cet enjeu, s'ils sont capables de s'adapter pour devenir un peu plus experts du sujet, est-ce qu'il y a, à proprement parler, des spécialistes des sols en administration? Je me suis particulièrement intéressée à ce sujet dans mon enquête. Et là encore, j'arrivais avec une hypothèse de trouver une figure un peu idéale typique de l'expert des sols en administration. Et j'ai été étonnée de la diversité des savoirs sur les sols qui existaient, que la science des sols est en fait une grande boîte dans laquelle beaucoup de disciplines peuvent rentrer, et que donc les 10 spécialistes, puisqu'il y en a, j'en ai trouvé, avaient en fait des formations, des parcours très différents. À la métropole, les spécialistes des sols vers lesquels on m'a redirigé souvent, parce que ça a été plus difficile de les trouver, sont formés dans différentes disciplines. Par exemple, un responsable d'un service Nature en Ville a été formé à l'école des eaux et forêts en foresterie urbaine. Il a fait un parcours dans le secteur privé avant de rejoindre la collectivité. Et son successeur également a fait un parcours dans le privé et lui était plus spécialiste de la gestion des déchets. Autre exemple, un chef de service en charge des cités sols pollués, qui a été vraiment le monsieur sol à la métropole, était lui ingénieur des mines et a fait tout son parcours dans le privé avant de vouloir aussi rejoindre une collectivité. Et il a recruté un autre chef de projet, deuxième monsieur sol à la métropole, qui lui était ingénieur géologue et idem avait fait son parcours dans le privé avant cela. Donc on voit quand même que c'est beaucoup des acteurs qui ont voulu valoriser leurs compétences acquises au cours de leur carrière pour rentrer à la métropole. En ministère, j'ai trouvé des profils un petit peu différents. Des spécialistes des sols qui étaient plutôt donc des profils ingénieurs, issus notamment de l'ENTPE, l'École des travaux publics d'État, des ingénieurs agronomes et des ingénieurs des mines. Et j'ai aussi été redirigée vers tout un pool de spécialistes. On a l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça quand je les cite, mais en réalité, ils ne sont pas tant que ça. En administration, il fallait vraiment les dénicher. Et donc, au CEREMA, à l'ADEME, à l'INRAE, c'était plutôt des acteurs qui avaient fait une thèse dans une discipline rattachée aux sciences du sol et qui ont évolué à la frontière entre l'action publique et les milieux de recherche universitaires. Par exemple, au CEREMA, des directeurs ou ingénieurs de recherche qui ont une thèse en géochimie. À l'ADEME, des coordinateurs de recherche qui ont des thèses en agronomie, qui sont spécialisés soit dans le secteur forestier, soit sur les relations plantes-champignons, ou encore sur le cycle carbone dans les sols. à l'INRAE, là aussi une diversité d'objets de recherche liés au sol, avec des thèses en agronomie ou en physique, qui derrière s'intéressent aux micro-organismes des sols, aux micropollutions dans les sols. Voilà, donc cela encore pour vous illustrer qu'il n'y a pas une expertise type sur les sols acquise en formation initiale, car les sciences du sol rassemblent en fait l'agronomie, la géologie, la toxicologie, et il y a bien sûr la pédologie, qui est la science des sols par excellence, mais pour le coup il y a peu de pédologues en administration, on pourra revenir sur le sujet, et qu'en fait cette expertise sur les sols en administration, elle se construit en fait au cours des carrières des fonctionnaires qui se spécialisent. Et l'exemple vraiment qui illustre cela, c'est une agent de l'ADEME qui était reconnue comme experte nationale des sols, parce qu'il y a des experts nationaux reconnus à l'ADEME, et donc il y en avait une sur le sol, et elle initialement était géologue, elle ne travaillait pas du tout sur les sols, et c'est en entrant à l'ADEME qu'elle a mis à profit ses connaissances en géologie pour étudier les pollutions du sol, et au fur et à mesure se spécialiser jusqu'à devenir cette experte des sols en administration. Enfin, j'aimerais partager un dernier étonnement. Je crois que j'ai encore quelques minutes. Autour de la question de l'engagement des fonctionnaires pour porter une cause environnementale, et donc pas n'importe laquelle, celle de la préservation des sols, puisque j'ai montré que les cadres intermédiaires de différentes administrations jouaient un rôle dans le fait de porter cet enjeu, qu'ils ont une agentivité dans la montée en compétences, qu'il y a des spécialistes. Pour autant, est-ce que tous ces agents sont engagés pour préserver les sols? Est-ce que cela va de soi? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans l'émergence de ce problème par des formes de stratégie dans l'organisation et dans la conduite de leurs tâches quotidiennes, ou par même une forme de militantisme? Et notamment, est-ce que les spécialistes des sols, est-ce que quand on est spécialiste, on va nécessairement chercher à préserver cet objet? J'ai pu constater que ce n'était pas si évident. Alors, il y a des cadres intermédiaires spécialistes des sols à l'INRAE, à l'ADEME, au CEREMA. La liste n'est pas exhaustive, parce que je n'ai pas étudié toutes les organisations qui avaient des spécialistes. Il y a aussi l'IRD, le BRGM. Mais dans ces acteurs-là sont mobilisés et expliquent qu'ils ont à cœur de préserver les sols. Une coordinatrice en recherche et développement explique qu'être convaincue de la nécessité de protéger les sols, que c'est un enjeu d'avenir pour nous et de survie de l'humanité. Un autre coordinateur explique qu'il a justement rejoint cette organisation, l'ADEME, pour porter ce sujet. À l'INRAE, un directeur de recherche en a fait toute sa carrière et est devenue la figure de proue en fait, du sujet en administration. Donc on voit que l'engagement des agents, et notamment de ces spécialistes, peut prendre différentes formes. Ça peut être au quotidien dans le fait de contribuer à la rédaction de notes techniques pour irriguer la directive européenne sur la surveillance des sols. Ça peut être se mobiliser avec les moyens du bord, ça a été fait dans les années 90, pour structurer une communauté scientifique autour des sols, et un groupement d'intérêt scientifique sur le sujet, parce qu'à l'époque, rien n'existait, donc il fallait bien que ça parte de quelque part. Ça peut être le fait de rédiger des appels à projets ou de répondre à des appels à projets européens de manière frénétique pour décrocher des financements qui, derrière, vont pouvoir permettre de financer de nouveaux programmes de recherche. Et le fait de se mobiliser pour produire des savoirs et de la connaissance sur les sols, c'est vraiment en fait une forme d'engagement. J'ai pu constater qu'en fait, le fait de se mobiliser pour développer des programmes de recherche, formaliser une feuille de route de recherche, développer des outils pour interfacer des bases de données produites par différentes organisations qui permettaient de valoriser la recherche réalisée sur le sujet, c'est vraiment une forme d'engagement du quotidien de la part de ces agents. D'autre part, j'ai aussi pu constater qu'il ne suffisait pas d'être spécialiste des sols pour porter ce sujet, puisque il y a des spécialistes dans les ministères en service déconcentré, donc quand je dis spécialistes, qui ont fait une thèse sur en sciences du sol, qui ont vraiment cette connaissance scientifique d'un certain aspect du fonctionnement des sols. mais qui ne vont pas en fait chercher à proprement parler à préserver les sols parce qu'en fait ce n'est pas l'objet de tout simplement de leur poste, de leur mission et de la politique publique auquel ils sont rattachés. C'est par exemple le cas d'acteurs, enfin d'agents au ministère de l'Agriculture qui sont en charge de suivre l'utilisation des matières fertilisantes, des produits phytosanitaires, qui sont des ingénieurs agronomes qui ont des connaissances en biologie, qui connaissent le fonctionnement des sols, mais dont le métier n'est pas de préserver les sols à proprement parler. Et d'ailleurs, ils m'ont dit en entretien qu'ils n'étaient probablement pas les bonnes personnes pour parler de ça, alors qu'ils connaissent très bien les sols. Autre exemple, sur les sujets plus de pollution des sols, Andréal, les services qui sont en charge de gérer les risques liés au sol et au sous-sol. On retrouve des ingénieurs des mines, des géologues qui connaissent à nouveau très bien les sols, leur structure, le comportement des polluants dans les sols. Mais leur mission, c'est de suivre les installations ICPE, de mener ces missions de police des installations, de gérer les sites et sols pollués, de confiner les pollutions, mais ce n'était pas de chercher à préserver les sols. Voilà pour les spécialistes. Et en ce qui concerne les non-spécialistes, ce qui montre qu'on ne suffit pas d'être spécialiste non plus pour se mobiliser, on peut se mobiliser en étant non-spécialiste. J'ai trouvé différentes formes d'engagement aussi du quotidien. Par exemple, une agent du CEREMA qui m'explique qu'en fait, elle considère s'être engagée sur le sujet dans le fait de tenir bon dans un processus de rédaction, donc à nouveau de notes techniques pour la loi ZAN, et le fait d'avoir un peu tenu bon sur la rédaction de la nomenclature de qu'est-ce qui est un espace artificialisé ou pas, le fait de bien faire une distinction entre des pelouses de golf, des terrains de foot et des pelouses naturelles, c'était une manière de défendre le sujet. Autre exemple, une chargée de mission au SGAR qui explique que chercher au quotidien à faciliter, à encourager la signature de conventions par la préfète avec des établissements publics fonciers, des EPF, pour du renouvellement de friches, c'est une forme d'engagement et parce qu'elle est persuadée que ce sont des acteurs clés pour agir en faveur de la sobriété foncière. Autre exemple, à un autre niveau, au SGPE, un directeur de programme, donc secrétariat général à la planification écologique, un directeur de programme qui explique ne pas avoir de mandat proprement parlé sur les sols, mais il explique harceler, c'est vraiment le mot qu'il emploie, ses collègues pour qu'ils tiennent compte des ressources naturelles et notamment du sol dans la déclinaison de leur plan d'action. À la métropole, ce sont des agents qui parviennent à passer sous les radars et qui développent de nouveaux instruments sans que ce soit forcément porté par l'exécutif. Malgré ces formes d'engagement, j'ai aussi pu voir que des agents ont témoigné de marge de manœuvre de limitée et de difficulté aussi à s'engager. Et ça ne surprendra personne. Par exemple, une chargée de mission à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition, qui pour le coup n'a pas mandat à travailler sur ces sujets, elle explique « C'est difficile parce qu'il faut rester à sa place aussi. Si on déborde, on est traité de militant et on est inaudible. Il faut rester sur les faits, c'est assez difficile d'être écouté. » Autre exemple, un ingénieur de recherche au CEREMA qui explique beaucoup, très clairement « Moi, je suis militant. » Mais voilà, du coup, ça alimente les développements techniques et scientifiques. Mais de l'autre côté, il faut qu'on ait un devoir de ne pas entrer dans les discussions politiques, ce qui est un peu, des fois, c'est un peu compliqué. Être engagé, c'est aller dans le bon sens, aller de l'avant sur cette prise en compte des sols. Je pense que ça fera réagir aussi mes collègues qui sont les mains dans le cambouis. Donc voilà pour quelques exemples qui montrent la diversité des formes d'engagement des cadres de la fonction publique d'État et territoriale pour porter cet enjeu. Ce qui pose la question, surtout en fait, des conditions dans lesquelles ces agents peuvent porter un enjeu, cet objectif environnemental, à quelles conditions est-ce qu'ils peuvent s'engager. Alors voilà, j'ai des pistes de réponse, ce n'est pas encore une réponse très structurée, mais pour des cas de non spécialistes, on voit que déjà, il faut que la politique publique sur laquelle ils travaillent ait des liens avec cet objet physique. C'est pour ça que les politiques agricoles, les politiques de l'eau, les politiques de l'arbre, tout ça peut se rattacher aussi à cet enjeu. Il faut qu'il y ait une une curiosité, une volonté de s'informer lorsqu'on n'a pas les connaissances, que des instruments soient déjà à disposition ou qu'ils en créent. Et ça, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas trop revenue, mais on pourra en discuter lors du moment d'échange, cette capacité aussi à créer des instruments. Et qu'il y ait un portage par la hiérarchie ou au contraire une capacité à passer sous les radars. C'est une expression qui est revenue plusieurs fois. Et pour des cadres spécialistes, en fait, il s'agit avant tout que la politique publique, la mission soit explicitement liée à leur métier, qu'ils aient une marge de manœuvre pour y dédier du temps, et que, en fait, la première forme d'engagement pour eux, c'est déjà de rejoindre les organisations et les postes qui permettent de mettre en place ces stratégies pour porter la cause de préservation des sols. Voilà, en conclusion très rapide, si je reviens à ma question initiale, quel rôle pour les agents publics pour préserver les sols ? J'ai cherché à montrer qu'il y a différentes formes d'articulation entre causes environnementales et organisation, métier, compétences au sein de la fonction publique, de mettre en lumière aussi surtout que les cadres intermédiaires de la fonction publique d'État et territoriale jouent un rôle en fait dans le fait de porter cet enjeu de préservation des sols. Et je suis allée très vite sur de nombreux points, mais je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter dans l'heure qui vient.